Bienvenue à toutes et tous dans Je peux pas, j'ai patrimoine, votre rendez-vous mensuel sur Radioactive pour découvrir les trésors historiques, architecturaux et également culturels de notre beau territoire. Et aujourd'hui, on retrouve Lauriane Kell, responsable du Pays d'Art et d'Histoire du Pays Loire-Touraine. Bonjour Lauriane. Et bonjour Marlène, bonjour à tous. Lauriane qui vient aujourd'hui nous parler du programme estival qui s'annonce riche en découvertes. Et cette fois, on aura une surprise pour elle avec des questions posées par de petits explorateurs, adeptes des animations du Pays Loire-Touraine, qui sont très impatients, figurez-vous, de tout savoir. Eh bien, c'est génial. Alors peut-être pour commencer, pour nous embarquer dans cette émission pleine de curiosités, de surprises patrimoniales, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les grandes lignes de ce programme d'été ? Et oui, alors on va même dire printemps-été, parce qu'en fait, on commence nos actions. Donc en effet, le programme qui va du 24 mai au 31 août, c'est très précis, ne compte pas moins de 50 animations. Voilà, répartis sur, j'allais dire, tout la fin du printemps et tout l'été. Rappelez-nous les effectifs du Pays Loire-Touraine. Ah oui, on est trois. Voilà. D'accord, donc 50 animations. Non, mais c'était bien de le rappeler. Et voilà, avec nos guides conférenciers, Anna et Willy, et puis mon adjointe Camille. Donc voilà, une équipe de choc. Et pour vous proposer un bel ensemble d'actions. Et donc, on va commencer très, très fort cette année. Parce que cette année, on vous donne tous rendez-vous le 24 mai dans le sublime parc. Je ne cache pas mon émotion et mon amour pour ce lieu. Mmh. C'est le parc du château de Possé-sur-Cisse. Voilà, si vous ne connaissez pas le parc du château de Possé, précipitez-vous, j'allais dire, le 24 mai, toute la journée, de 10h à 19h30. On vous a concocté un programme aux petits oignons, ça s'appelle « Célébrons le patrimoine ». Et nous serons accompagnés, parce qu'on n'est pas seuls, de beaucoup de grands partenaires qui nous suivent depuis des années, donc les offices de tourisme, la mission Val-de-Loire, puisqu'on est sur les 25 ans du Val-de-Loire UNESCO cette année. Il y a également le service patrimoine inventaire de la région centre, le CAUE 37, le nouvel espace du Cher. Et tout ça, donc, il y aura toute la journée des ateliers, des expositions, des visites, et puis deux grands temps forts, spectacles pour enfants. Génial, qui s'appelle La Fougère Magique. Voilà, ce spectacle par la compagnie Vent de Lune, et puis La Balade du Ventre par la compagnie Alborada. Donc, tous dans le parc du château de Possé le 24 mai. Et on y sera, Lauriane. Eh bien, avec grand plaisir. Voilà. On peut même faire une antenne en direct. Alors, c'est toujours des questions techniques, oui. Mais on va y réfléchir, on va en discuter ensemble, et puis on trouvera sans doute une solution. Est-ce qu'on va pour une première petite question de nos explorateurs ? Alors, je vous propose d'écouter Malo, 5 ans et demi, qui a une question pour vous, Lauriane. C'est parti. Lauriane, on pourra fabriquer des choses ou dessiner des choses ? Ah mais oui Malo, bien sûr qu'on va faire des choses, on va fabriquer des choses. Donc on a prévu cet été pas moins de 5 ateliers pour les enfants, enfin même au total il y en aura 6 et il y aura 5 thèmes différents. Donc il y aura des gâteaux façades à Château Renaud, on reproduira la façade d'une tannerie en gâteaux, bonbons et fruits. On ira génial. Aussi à l'art du vitrail à Cangé par exemple début juillet. On pourra également fabriquer un pont en caplat à Mont-Louis-sur-Loire, avec une très belle vue depuis le belvédère de l'office de tourisme. On ira à Mône pour cette fois-ci fabriquer des monstres en argile. Voilà. Donc ça, on se fera peur à Mône avec les monstres de l'église. Et enfin, on reviendra à Mont-Louis pour façade pop-up. Donc cette fois-ci, un atelier où on fera des cartes postales un peu rigolotes voilà, qui s'ouvrent et qui s'animent sur le patrimoine de Mont-Louis. Voilà. Génial. Eh ben, je crois qu'il a une deuxième question, ce petit bonhomme, pour vous, Lauriane. Lauriane, on va faire des chasses au trésor. Alors, mais oui. Alors ça, on adore les chasses au trésor. On sait que ça a beaucoup de succès. Donc cette année, les 3 nouvelles chasses au trésor de l'été se dérouleront à Courcey le 7 juillet, Nous irons, donc c'est du côté de la vallée de l'Indre, voilà, très très beau village voilà, à visiter. On ira également à Véretz, commune des bords du Cher, le 22 août. Et enfin, pour les très très grands cette fois-ci, tu es encore un petit peu petit Malo, mais ne t'inquiète pas, c'est tout nouveau, voilà, on crée une chasse au trésor pour les ados. Ça sera à Amboise en nocturne le 30 août. Et quand vous dites nouvelles, c'est à chaque fois, chaque été, de nouveaux lieux qui accueillent ces chasses. Chaque visite, enfin chaque vacances scolaires, on crée de nouvelles fiches, donc de nouveaux jeux petits explorateurs. Et elles sont toutes en ligne, téléchargeables gratuitement sur notre site internet. On en a déjà réalisé plus de 30. Et oui, et on peut faire ces chasses au trésor en autonomie avec ses enfants. C'est absolument super. Rappelons que ce site, c'est www.paysloiretouraine.fr. Voilà, exactement. Et c'est Ninon maintenant qui a 9 ans et qui a une petite question pour vous, Lauriane. Est-ce qu'on pourra visiter des endroits secrets, Lauriane ? Oh oui, parce que nous, on adore les patrimoines cachés, secrets, ceux qui ne sont pas visitables tous les jours. Donc, en effet, on va te faire plaisir cet été. Puis, tu pourras emmener ton papa, ta maman et tout le monde pourra. Les petits viendront avec leurs parents ou leurs grands-parents et pour des découvertes inédites en duo. Ça s'appelle, alors il y a deux rendez-vous, soit les patrimoines à savourer. Donc ça, c'est pour les gourmands. Les gourmands qui aiment les trésors. Donc les trésors, par exemple, c'est le château de la Côte à Reny, qui est un château de la Renaissance, mais qui n'est pas ouvert au public, par exemple. Ou alors, par exemple, le château de Nazelles, également très très beau domaine, voilà, sur les hauteurs de la commune. Et puis, par exemple, à Monet, le château du Mortier. Alors il est rigolo, lui, parce qu'il est fabriqué en béton, avec des briques. Et puis, par exemple encore, à Saint-Ouen-les-Vignes, le logis de Châtres, un ancien château fort, voilà, qui vous ouvriront ses portes. Et à chaque fois, on terminera par une dégustation de produits locaux, donc du jus de pomme pour les enfants, et puis d'autres choses pour les plus grands. C'est toujours, toujours très bien préparé, ce programme. Et rappelons que d'un point de vue technique, lorsqu'on emmène ses enfants à une chasse au trésor, on les inscrit et il y a une petite participation. Oui. Et de 5 euros, mais c'est gratuit pour les accompagnateurs. Voilà. Et à l'inverse, lorsqu'on est sur une sortie famille, grand public, Oui. Cette fois-ci, les enfants ne payent pas, bien sûr, jusqu'à 18 ans, les étudiants aussi, les demandeurs d'emploi, les personnes en situation de handicap. Donc, ce sont les autres qui vont s'acquitter d'un petit droit d'entrée, tout petit, voilà, parce que même nos grosses actions, comme le Cluedo géant, c'est que les grands qui payent. Donc, tous les petits sont évidemment les bienvenus en famille, avec plaisir. En tout cas, dès lors que le programme sort, je vous recommande vraiment de réserver rapidement parce que ça a de gros succès. Il vient tout juste de sortir et en effet, ça commence à... Voilà, donc n'hésitez ça pas. Ça réserve déjà. C'est la folie, voilà. Très bien. On marque une petite pause en musique, Lauriane, avec Bad Bunny, parce que ça va bientôt être l'été, printemps-été, et ça s'y prête bien avec cette chanson « Baila inolvidable ». Oui, parfait. Une salsa. Une salsa, c'est une musique qui vous entraîne. Ah, j'adore. Moi, voilà. Bon, je danse la salsa, donc voilà. Ah, on va faire une vidéo, chers auditeurs, pendant la pause musicale. On se retrouve tout de suite après. Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día. Y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina. Y fuiste tú mi baile inolvidable. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. Mientras uno está vivo, manía. Se siente feo no tenerte cerquita. La nueva mamá bien, pero no en tu boquita. Mi diablo, mi ángel, mi loquita. Mi diablo, mi ángel, mi loquita. Ay. Parce qu'après, il y a une sorte de... Et oui. Et oui, la salsa sur Radioactive. Et non, elle n'a pas dansé pendant la pause musicale. Je vous l'avoue, on a papoté tout en écoutant cette magnifique chanson. Mais elle est toujours avec nous, Lauriane Kell, responsable du pays d'art et d'histoire du pays Loire-Touraine, qui nous parle aujourd'hui du programme Printemps-Été 2025 et qui s'est prêté au jeu des questions-réponses des petits explorateurs en première partie d'émission. On a parlé des gâteaux façades, des monstres et grimaces, des animations autour du vitrail, un pont sur la Loire, tout plein de choses qui vont avoir lieu sur notre territoire en direction des enfants. Et la liste des animations qu'on peut faire avec ces enfants, d'ailleurs, elle n'est pas exhaustive puisqu'il y a encore les patrimoines et savoir-faire, notamment. Et oui, en effet, si on a envie justement de découvrir toujours... avec voilà, ses parents, ses grands-parents, on a créé des duos, cette fois-ci, toujours donc, une petite visite hein, d'un petit bourg, d'un monument. Et puis ensuite, on va découvrir un métier, un passionné, alors soit un producteur, un artiste, voilà, ou ça peut être voilà, quelqu'un qui fabrique quelque chose, qui produit quelque chose. Donc cette année, on est gâtés parce qu'on va avoir... les cloches à Ville-Domé, avec l'entreprise Goujon, qui est intervenue sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Rien que ça. Voilà. On a aussi la vie des bouteilles à Verrettes, donc c'est un verrier. Donc c'est hyper chouette à découvrir. Les petits gourmands pourront découvrir des exploitations, des élevages, en l'occurrence caprins et bovins, à Nouzy et à Azé-sur-Cher. Alors voilà. Ça. C'est trop chouette. Ah bah ça alors. Et si on a de la chance, animaux en plus alors. Si on a de la chance, il y a des naissances en plus la veille ou l'avant veille, on voit les petits bébés, voilà. Donc c'est arrivé l'année dernière. Et puis également art et confiture aux ermites et enfin l'homme des bois à Mône. Donc cette fois-ci, c'est un spécialiste de peinture en lettres, voilà. Donc tout ça se fait en famille, donc les enfants là ne payent pas. Et puis si vraiment les parents ont envie d'avoir des visites très très adaptées pour les enfants, on a créé ce qu'on appelle les visites en famille. Et donc là, on va même pour les tout petits à Vernoux, à petits pas, pour les 3-5 ans. Oui, en effet, on peut découvrir le patrimoine quand tout on petit, est très petit. Bien sûr. Et puis, mention spéciale pour une superbe sortie, patrimoine et contes du Moyen-Âge à Amboise, avec la découverte de l'église Saint-Denis. Voilà. Et donc, tout ça, voilà, c'est tout l'été, toutes les dates à retrouver sur notre site internet. Génial. Génial. Donc ça, c'est l'Amboise antique. Ah, et puis c'est oui, encore j'ai... autre chose. Ah ouais, il y a encore voilà, une autre, pardon. D'où ma nébuleuse. On me disait, est-ce qu'on parle de la même chose ? En fait, on a aussi une autre visite. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des châteaux et beaucoup voilà, des monuments, j'allais dire, connus. Mais moins de l'Antiquité. Et oui, l'Antiquité, pourtant, voilà. Donc, il y a très longtemps, Amboise était capitale des Turons avant Caesar Autonome, Tours actuelle. Et donc, découverte de cette histoire fascinante, le 14 juin, pour les Journées nationales de l'archéologie. Et ce grand rendez-vous, en fait, permettra de mettre en lumière les très belles fouilles qui ont été réalisées sur le plateau des Châteliers, voilà, par l'équipe du département, voilà, donc l'archéologue Laruas qui a fait un travail exceptionnel, donc on aura à cœur de valoriser tous ces travaux. Et d'ailleurs, un de vos confrères, si on peut dire, Guillaume Métayer, responsable patrimoine à la ville d'Amboise, qui maintenant jongle avec Je peux pas, j'ai patrimoine et l'émission Patrimoine en lumière sur l'art et l'histoire d'Amboise spécifiquement, nous a fait une belle émission justement sur l'Antiquité à Amboise, où on a découvert aussi beaucoup de choses. C'est toujours hyper passionnant. Vive les jeudis du patrimoine sur Radioactive. Dans les grands temps forts, on retrouve aussi les rendez-vous au jardin. Alors oui, je voulais absolument en parler, parce que nous, comme le label, il a été donné par le ministère de la Culture, enfin voilà, renouvelé d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en fait, 2025, c'est le renouveau du label, voilà, on va signer une nouvelle convention. Et puis, le ministère de la Culture a créé des grands événements nationaux avec l'archéologie, ils ont créé les rendez-vous au jardin. Donc ça, c'est toujours début juin. Et cette année, ça aura lieu les 7 et 8 juin, samedi et dimanche. Alors nous, on est mobilisés, donc l'équipe du Pays d'Art et d'Histoire. Il y aura une superbe animation justement pour les tout petits 3-5 ans à Moran, dans le parc d'un ancien château, voilà, le parc des Douves, à Petit-Pas. Ça, c'est samedi. Et puis, avec ma collègue Anna, on aura chacune une visite sensorielle. Je serai à la Ville aux Dames, sur l'île de la Métairie, tandis qu'Anna sera sur l'île d'Or, à Amboise. Voilà, donc toutes les deux, une découverte sensorielle. Et retrouvez-nous le dimanche 8 juin dans le très beau parc privé, donc ouvert exceptionnellement, du château du Coteau à Azé-sur-Cher. Voilà. Et on vous fera découvrir l'histoire de ce lieu très très beau, de ce château et de son parc paysager réalisé par Édouard André, un grand nom des paysages, voilà, et qui avait son parc à la Croix-en-Touraine. Voilà. J'apprends au fur et à mesure des émissions. Et donc il y aura des visites et il y aura un superbe spectacle conté sur le thème de l'eau. Donc tout ça, c'est gratuit. Les rendez-vous jardins pour le Pays d'Art d'Histoire sont gratuites. Et puis après, vous avez tous les rendez-vous des grands sites. Donc retrouvez le programme des sites amboisiens, de Valmer, de Chenonceau, de la Bourdésière, des châteaux royaux d'Amboise, Château Gaillard, la pagode de Chanteloup et le Clos Lucé, voilà, pour tous les citer. Eh oui. Aux côtés d'autres sites privés, associatifs, les jardins de Château Renaud aussi, qui sont exceptionnels. Donc tout le programme est dans la brochure, il n'y a plus qu'à se servir, c'est ça. Comme sur un plateau. Génial. Et puis du coup, ça, on en revient à la petite question en début d'émission sur les endroits secrets. Là, pour le coup, il y en aura également. Oui, il y en aura, exactement. Mmh. Bah, justement, le Coteau, ça, c'est vraiment secret. Et puis voilà, on aura aussi d'autres petites visites découvertes tout l'été. Donc, il y a vraiment un très gros programme, des villes, des villages. Puis, je ne vous ai pas parlé des murder parties. Voilà, donc ça, Cluedo. Mais tout ça, j'en parlerai peut-être la prochaine fois. Il faut en garder. Exactement. On ne va pas tout dévoiler. Et donc, on peut retrouver toutes ces infos. Si on n'a pas la com papier dans les mains. Oui, donc le site internet. Voilà, la brochure est en ligne, donc vous pouvez la télécharger, sinon elle est dans les offices de tourisme, et puis également retrouver tous les événements sur Facebook, donc on a tout intégré. Voilà, n'hésitez pas à aller liker la page et puis à faire votre petit marché. En tout cas, nous, on vous souhaite un très beau printemps-été, et on aura grand plaisir de vous recevoir le 24 mai au parc du château de Possé, voilà, pour une grande fête. Le rendez-vous est pris le 24 mai à Possé. Merci beaucoup, Lauriane, pour ce bel aperçu de ce programme printemps-été proposé par le Pays d'Art et d'Histoire Loire-Touraine. Ce rendez-vous mensuel du patrimoine nous montre encore une fois que notre territoire regorge de pépites à explorer, surtout quand elles sont à hauteur d'enfants. Exactement, voilà. C'est les meilleurs ambassadeurs. Hein. Absolument. On se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle plongée dans notre patrimoine vivant. Merci, Lauriane. Merci, Lauriane. Oh, adorable, j'adore.